Chapitre 18e. Soyez un Christophe Colomb pour des continents et des mondes entièrement nouveaux situés à l'intérieur de vous-même. Ouvrez de nouvelles voies navigables, non pas pour le commerce, mais pour la pensée. David Thoreau. Comme je l'avais vécu à l'issue de ma première initiation chez Dame Eve Neveg, cette expérience étrange de changement de niveau de conscience fut, paradoxalement, extérieurement calme. Je me retrouvais, après ma fusion avec Thuilly, devant des mondes nouveaux, différents et subtils, qui m'engageaient à une vision large des choses et des êtres. En cela, ma destinée intérieure fut complètement bouleversée. Pour le reste, je continuais de partager avec mes amis elfes leur vie quotidienne. Dans un premier temps, ce furent les cérémonies qui suivirent le grand combat, sobres et émouvantes. Là, je me rendis compte de combien d'elfes avaient été victimes des innommables. Non seulement la forteresse avait été partiellement détruite, mais les alentours, à des lieux à la ronde, avaient eux aussi été sauvagement ravagés. Mon initiation avec Thuilly continua, et avec elle ma connaissance des dragons. Bien que la guerre de l'ombre soit à présent terminée, grâce à l'alliance des sept peuples atlantes et la puissance du dragon d'Azur, je ne peux révéler tous les secrets de cette initiation. J'étudiais pendant de longs mois le langage des dragons, la cartographie astrale très développée du peuple drachnite dont je faisais à présent partie, et toutes les subtilités strictes et pointilleuses inhérentes aux dragons. L'initiation me sembla parfois insurmontable. Elle se confronta souvent à mes limites les plus fragiles. Ma blessure ne guérit jamais complètement. Elle est encore là, pour me rappeler mes premiers contacts avec Thuilly. Cependant, en dévoilant mes plus grandes faiblesses, elle me rappela dès les premiers temps le choix que j'avais fait. Je découvris avec l'initiation les épopées des dragons depuis la nuit des temps. J'appris leurs légendes et leurs hauts faits, ainsi que leur provenance, dont je ne peux encore parler. Et un beau jour, je commençai à m'entendre réellement avec Thuilly. Il ne fut pas aisé d'arriver à ce point-là, précisément là, dans ce degré impondérable d'une entente profonde. Acceptant tout de l'autre comme n'étant pas soi-même, mais part de soi à cause de cette nécessaire fusion de deux esprits. Il fallut toute la patience de mes amis, car Thuilly en avait peu, pour y arriver. Irimald fut mon grand et indéfectible secours. Il semblait connaître Thuilly mieux que personne. Seul ce noble et attentif ami sut combien avait été parfois douloureuse et épuisante cette confrontation. Combien de conseils, combien de soutiens immuables accompagnèrent ces encouragements. Il eut pourtant de nombreux moments de gaieté et bonheur candide, car je fus accompagné pendant ces longs mois par une jeune apprentie drachnite, fille du prince Emzian. Je ne peux m'empêcher de sourire à cette évocation. Les drachnites commencent très jeunes leur initiation et ce fut à sa demande que la princesse commença si jeune. Bien que les âges, tout comme le temps, ne soient pas comparables en Humania et en Elphinie, je puis dire sans me tromper que Héroïa était alors une toute jeune fille. Son nom est très particulier car par le fait de son jeune âge, ce n'est que son deuxième nom. Mes amis elfes souriront, car ils comprendront la subtilité de ce nom qui décrit si bien la personnalité de la jeune elfe, ici ou là. Imaginez une frimousse espiègle et souriante, un peu égarée dans un monde d'adultes et de guerriers, dont l'humour et la patience, même en elfinie, n'est pas la première des vertus. Imaginez de grands yeux vifs et ardents, avide de tout voir et de tout savoir. Ensuite, représentez-vous la tenue pour le moins originale de la jeune elfe, qui pense encore que les accessoires et colifichets chers aux adultes ne sont que des encombrements inutiles et bruyants. Vous aurez le quart du portrait de ma jeune apprentie. Pourtant, combien de profondeur, de tendresse pure et de générosité se cachent derrière son beau visage, combien de courage et de fine stratégie. Ce sera sans nul doute une drachnite irréductible et valeureuse. Dans cet apprentissage éprouvant, tous les paliers de l'initiation sont parcourus, lentement et assidûment, du plus humble au plus ambitieux. Nous le fîmes ensemble. Elle devait suivre et je devais demander. Ce qui, en langage elfe, veut dire approximativement qu'elle devait être là où j'étais et je devais lui apprendre à obéir. Le début fut chaotique. Mais elle aimait les dragons, avec toute la fougue et la candeur de son âge. Aucune tâche ne la rebutait. Elle m'enseigna tant de choses avec humour, vivacité, tendresse parfois. et elle aima immédiatement Tully. C'est elle, véritablement, qui créa entre Tully et moi ce lien indéfectible et si subtil, qui nous lie encore. Sans doute aurai-je le temps, plus tard, de narrer en détail mes premières aventures avec Tully et mon apprentissage en compagnie de la généreuse et impétueuse Héroïa. Je me dois à présent à bien d'autres tâches. Dès les premiers moments, la mission que m'avait confiée le sage Ilis ainsi que la récente découverte de l'héritage laissé par mon aïeul Hugues de Larogue occupèrent, malgré les combats récents et la difficile initiation, une partie de mes pensées. En dépit du retour du dragon d'Azur, nous savions tous que la menace était encore présente. Une sourde et longue bataille s'était engagée entre les elfes et les forces sombres. Elle durerait tant qu'une entente consciente et puissante de plusieurs dimensions ne s'allierait contre elle. Alors que j'avais toujours douté au fond d'une possible alliance entre les humains et les elfes, les documents de mon ancêtre, que les sages de la grande bibliothèque de Xantir avaient commencé de traduire, indiquaient au contraire que l'alliance avait bien existé. Cette entente avait été réelle, bien qu'à un niveau subtil et voilé pour la plupart des humains. Pourquoi cette fraternité avait-elle été brisée et comment la reconstruire? C'est ce que je devais comprendre le plus rapidement possible afin de rendre envisageable une autre alliance entre les elfes et les humains. Plusieurs mois passèrent ainsi sur Xantir. Je connaissais désormais l'île grâce à Tully, avec lequel je la parcourais sans cesse, allant jusqu'à survoler la grande île. Le plus difficile était d'accepter le processus d'enfermement, qui en réalité n'en était pas un. Les sarcophages sont des protections puissantes qui permettent en cas d'attaque de rester à l'abri. Au contraire des innommables, les dragons ne peuvent sortir de leur dimension sans être habités par un être de l'autre dimension. On racontait alors que quelques elfes parcouraient même avec eux les autres dimensions. C'est ainsi qu'était sans doute arrivé le dragon d'Azur. Peu savent encore qui est son bredir. Peu à peu, je fis la connaissance des autres dragons dont les bredirs étaient parmi nous. Ainsi, j'appris à connaître Brevar, le maître dragon aux écailles mordorées, dont le caractère fougueux et intrépide convient bien au calme Svarin. Yacht, quant à elle, est inséparable de Viltot le sauvage, et il faut bien la douceur féminine et la témérité de la jeune femme pour le comprendre. En frappant la citadelle blanche, ainsi nomme-t-on souvent la forteresse du dragon couché, les innommables savaient bien ce qu'ils faisaient. Ils avaient frappé le cœur même de l'Elfinie. De nombreux drachnites avaient été tués avant de pouvoir rejoindre les dragons. Peu à peu, d'autres drachnites nous rejoignirent et une stratégie incompréhensible pour moi fut mise en place. Il s'agissait de veiller à la sécurité de toutes les îles et à former d'autres drachnites, ce qui allait prendre du temps. Le roi restait très serein. Il ne revenait que rarement sur Xantir, consolidant la magie d'Elfinie. C'est à cette période qu'il rénova toutes les tours de feu et en fit construire d'autres dans le nord. Le seul regret que j'avais était de ne pas rencontrer mon ami Irimald. Lui décrétait que ce n'était pas le moment. Il préférait plutôt, comme l'avait fait avant lui Odlin, me parler de son monde et m'ouvrir toujours plus à l'Elfinie, à sa magie, ses légendes et ses coutumes et rituels tellement nombreux. De lui, il parlait peu, comme toujours. C'est en suivant ses conseils que je décidais, une fois mon initiation terminée, de revenir sur celle que j'appelais notre île, Arnancor. Elle aussi me manquait. J'avais encore beaucoup de choses à apprendre et à y découvrir. Lorsque j'informais le roi Imrold, lors d'un de ses passages sur l'île, de mon désir d'y retourner, je fus surpris de sa réaction bienveillante. J'étais l'humaine fée d'Arnancor, m'expliqua-t-il. Il me demanda ensuite étrangement si je désirais désormais porter la tunique grenade des drachnites. Je refusai le plus subtilement et diplomatiquement possible. Je ne me sentais pas drachnite, j'étais et resterais l'Elgara. Lors de l'interminable cérémonie qui clôtura mon initiation, le roi me fit pourtant don de la fine ceinture de soie grenat, personnification de mon état drachnite qui me ferait reconnaître où que j'allasse en Elfinie. Au milieu de la ceinture étaient enchâssés deux rubis et une admirable attache d'or qui devait soutenir en toute sécurité une fine dague d'airain, plus destinée à l'ouverture des parchemins qu'à combattre. « Mais un drachnite se doit de porter l'épée, » me dit Ilfgur en me la remettant. J'avais le cœur lourd de quitter mes amis. Eroïa, affligé de ce départ, se contenta de me saluer en cachant ses larmes. Savary et Neyak m'accompagnèrent une dernière fois avec Tully. Au moment où nous nous posions sur la lande, Tully voulut me parler. « Te souviens-tu de notre premier vol, Elgara ?»« C'est ainsi qu'il m'appelait toujours. »« Oui, je me souviens. »« Pourrais-tu un jour pardonner à l'humaine fée ce vol pathétique et cet inqualifiable atterrissage ?» Je le sentis sourire. « Sais-tu ce que je promis au grand dragon ce jour-là ?»« Non. »« Je promis tout. »« Comme toi, tu promis à Audeline. »« Je promis tout, et avec cette promesse, celle de ne pas te quitter et de veiller sur toi. » Sa voix était douce, paisible. Je suis heureuse de cette tempête et de cette blessure. La vive émotion que j'éprouvais lui parvint. Sais-tu le pourquoi de cette blessure? Elle était nécessaire, sans aucun doute. Susurrai-je obstinément. Tu l'y connaissais bien, cette intonation butée et mon légendaire entêtement dont il se moquait si souvent. Cette blessure est la marque de Tully. À ce moment-là, tu m'as appartenu. Je t'ai choisi. Malgré ton humanité, cela me dépassait et m'irritait. Pourtant, je voulais te choisir. Blessé, tu t'es obligé de venir à moi, d'avoir besoin de moi. Nous restâmes silencieux un long moment. Je ne pus lui cacher la question que je me posais encore et encore depuis ma venue en Elfinie. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Je suis un très vieux dragon, dit-il en soupirant. Puis après un long et mélancolique silence, il susurra. Hugues de la Roque fut mon premier brelire. Depuis lors, aucun dragon n'a côtoyé les humains. Je ne sais pourquoi je ne fus pas surprise. Tully me parla longuement de mon aïeul, de sa noblesse et de son courage, mais aussi de sa ténacité et de son caractère frondeur et entêté comme le mien. Il me parla de ses exploits en Elfinie et de ses tentatives pour maintenir une alliance entre les elfes et les humains. Je crois que je pleurai longtemps à ce moment-là. Il me semblait, en quittant Tully, que je quittais l'Elfinie entière. Pourtant, je savais que nous allions nous revoir souvent. Ilfgur et Dinmour, qui m'attendaient à mon retour, furent tous deux de merveilleux compagnons. Leur gaieté illuminèrent vite ces moments. Lorsque nous prîmes la route pour la grande bibliothèque le lendemain, le voyage fut tout autre que celui de l'aller. Nous allâmes à travers les Landes jusqu'au port de Endarvar, où nous passâmes la nuit. Svarin et Yag, qui nous avaient accompagnés jusque-là, nous laissèrent pour retourner à la citadelle qui était toujours en état d'alerte. Le somptueux port avait été partiellement détruit lors des combats, mais déjà la ville reprenait son apparence luxuriante et éclatante de vie. La même foule disparate et bruyante encombrait les quais et les entrepôts reconstruits. Le bateau Ophnite nous attendait au port. Étrange et confortable voilier sans voile, porté par les courants marins et recouvert d'algues et de lichens. Il nous déposa à la source même de la rivière de Trollvat, sur la rive est du lac, presque sous les cataractes de Skumliv. Le séjour à la bibliothèque fut bref, le temps de prendre connaissance des traductions des derniers documents de mon aïeul et de rassembler d'autres parchemins, archives et livres qui me semblaient importants. Tout me paraissait étrangement différent à présent. Mes sens étaient tellement plus affinés depuis ma rencontre avec Tully que je percevais des détails que je n'aurais pas remarqués avant. Étais-je triste de quitter Xanthir la Rouge ? Non, je n'avais plus de tristesse en moi. Je revenais simplement sur mon île. Jamais je n'avais éprouvé cela auparavant. Dinmour et Ilfgur, aussi heureux que moi de rentrer, étaient de gais compagnons. En partant, je découvris la rivière du roi qui, prenant sa source sous les lacs, s'élance vers le sud, pour finir au nord du phare de Knos, bien plus au sud de la Hanse de Vigbelt par laquelle j'étais arrivé. Dans l'estuaire, un voilier de haute mer nous attendait. Lorsqu'il arriva au milieu de la baie de Firstorken et mit le cap au nord, on déploya les pavillons. Je vis que nous étions sur un navire de la maison d'Irimald. Je me pris à sourire. Je m'assis dos au mât, à même le pont, sortit mon ami l'anémone de son hidalgue et elle se nicha au fond de ma main. Je revenais chez moi avec un bonheur subtil et je ne pus m'empêcher de tourner mon regard vers mon île. Là était ma place. Là était ma définitive destinée. Ainsi s'achève L'île aux dragons, tome 2, des chroniques d'Arne encore par France Gauthier.